Bon, ça va, tout le monde va bien? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez passé un très bon réveillon du nouvel an? De ouais. folie. Ouais, ouais. De folie. Enfin de bon, folie. Je sais pas, mais en tout cas, on s'est couché tard, quoi. Ah ouais. ou tôt, ça dépend l'heure. Quoi. Oui, ça en fonction. Ça dépend du point de vue. Je me suis Exactement. Pas couché, moi. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est toi qui habites en bas de chez moi, alors. Ouais, pardonne-moi, j'ai tendance à faire du bruit. Et à vomir. Bravo. Et toi, t'as passé un bon réveillon, Thibaut ? Ça va. J'ai encore les dents du fond qui baignent. J'ai mangé des Horrible. Huîtres. Les huîtres m'ont fait vomir. J'ai tenté le homard. Le homard m'a tué. Donc cette semaine, je ne vous parlerai pas de mon réveillon. En plus, j'ai peur de vous spoiler la fin. Alors, j'ai décidé de présenter mes vœux. Mes chers invités. Oh là là. Mes chers chroniqueurs. Et surtout, mes chers auditeurs. Cette année 2016 aurait été riche, pas sur nos comptes en banque, mais en rire et en découverte. Oui, en 2016, vous avez découvert une bande, vous avez découvert que vous bandiez, mais ça, ça ne nous regarde pas. Vous avez découvert une émission de radio au nom improbable, vous avez ri avec cette bande, vous avez peut-être ri en voyant bander votre compagnon, mais ça ne nous regarde toujours pas. Il est chiant. Alors, que nous réserve 2017? Eh bien, ça sera pire. Oh là. Moi, animateur, je serai toujours présent. Moi, animateur, je veillerai au bon déroulement de l'émission. Moi, animateur, j'engagerai les meilleurs chroniqueurs. Ouais. Moi, animateur, faut me dire stop, il y en a 15. Hein. Non, mais pour l'instant, c'est bien. C'est pas mal. Ça nous va. Florian sera toujours là avec les décibels toujours plus forts. Ah non ! Mais je serai là pour couper son micro. Tiens, d'ailleurs, crac. Ça y est, bah t'en étouffes déjà, ça y est, c'est parti. Connard. Léa sera là pour pourrir encore plus vos films préférés. Jean-Paul sera là en 2017. On lui coupe pas son micro, quoi. Jean-Paul sera là en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, même en 2021. Bref, il nous enterrera tous. Gilles sera là. En 2017, il inventera à nouveau des films pour son kiki l'a vu. C'est ça. Il imitera même les acteurs pour faire de faux extraits. 2017 sera également bonne année. Oui, pardon. Ouais. J'ai écrit la chronique pendant le réveillon. Là, il était minuit apparemment. Ah. Donc bien ta soirée. C'est éclaté. Donc 2017 sera également forte en audience, déjà grâce à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez et qui nous regardez sur le Facebook Live que vous pouvez partager et liker. Et sachez que nous sommes en top audience au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense et au ministère des Armées. Non. Car oui, deux cons, ou deux génies, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, ont décidé de mettre le mot explosif dans un titre en plein plan Vigipirate. Bravo. Et encore, le premier choix, c'était pas pantoufle, mais ceinture. Oh non. Oh. Alors vous l'aurez compris, 2017 sera une année encore plus folle, plus joyeuse, mais surtout radiophalique. Et oui, je vous rappelle que nous sommes une bande. Oh. Il lâche pas son truc. Et nous vous souhaitons une année explosive. Et voilà, ça fait encore monter l'audience.